Chapitre 3e. Pendant que ces faits se passaient de ce côté, la comtesse faisait les honneurs de la fête à l'autre extrémité du palais, dans une vaste salle de verdure, à laquelle les magnifiques tentures de soie et de velours, les glaces de Venise, encadrées de lierre et de mousse, donnaient l'aspect d'un splendide salon de réception. La comtesse Hélène de Monteleone avait toutes les grâces de la femme jeune. Elle était simplement vêtue. Une robe blanche seulement et quelques fleurs naturelles semées çà et là parmi la gaze légère. Mais sous la simplicité de sa mise éclatait un charme ineffable et en quelque sorte natif qui attirait forcément à elle tous les regards et toutes les sympathies. Son regard semblait ce soir-là comme imprégné d'une mystérieuse langueur, et la pâleur de sa peau, que l'animation de la fête n'avait pu colorer, témoignait d'une ardeur inquiète dont la source était bien plus encore dans son esprit que dans son cœur. La comtesse était belle aussi, sous l'opulent diadème de sa chevelure noire. Elle était bien réellement la reine de cette fête, et pourtant sur son passage ou autour d'elle s'élevait un doux concert d'admiration et d'éloges. Mais c'est à peine si elle semblait s'apercevoir de l'impression que produisait sa beauté. La conversation s'animait près d'elle, sans qu'elle y prît part, et la valse entraînait à ses côtés des couples enivrés, sans qu'elle éprouvât le désir de les imiter, et sans que l'orchestre éveillât en elle le moindre sentiment de plaisir. La comtesse était sous le coup d'une préoccupation terrible qui paralysait tout son être. La veille, un drame s'était accompli au château. Elle avait entendu le coup de feu tiré sous ses fenêtres. Elle connaissait le comte, elle n'avait pas osé l'interroger, mais elle pensait bien qu'une victime avait dû périr. Quelle était cette victime ? La comtesse n'avait pas failli encore. Elle était coquette tout au plus, fière de sa beauté, heureuse des hommages qu'on lui rendait. Peut-être avait-elle déjà mis le pied sur cette pente fatale qui mène à la première faute, mais jusqu'alors, du moins, elle était restée fidèle au vieux nom des Monteleone et avait gardé pur leur antique honneur. Depuis un mois seulement, elle avait paru faire une distinction en faveur de Raphaël de Cerny. Le jeune homme était reçu avec une faveur marquée. On s'en était aperçu. Hélène croyait avoir bien dissimulé. Dans sa candeur, elle s'efforçait de cacher au fond de son cœur ce sentiment dont elle ne pouvait se défendre, bien qu'elle en comprît tout le danger. Quand Raphaël manquait au fête auquel elle assistait, elle était triste et soucieuse. Quand au contraire il s'approchait d'elle, ou qu'elle pouvait seulement rencontrer son regard à travers la foule qui les séparait, un rayon divin éclairait son front et une vive rougeur colorait ses joues. Comme le comte, Hélène avait ce soir-là épié l'arrivée de chacun des invités. Elle attendait, elle aussi, mais avec un autre sentiment. Et lui semblait déjà que Raphaël tardait bien à venir. Elle ne pouvait croire cependant à un malheur. Pourquoi Raphaël serait-il venu la veille au château? Elle ne l'avait point autorisé encore à se croire aimée. Elle ne lui avait accordé aucun espoir. Son attitude, au contraire, avait été plutôt froide que bienveillante. Malgré la sécurité que ses souvenirs eussent dû lui inspirer, Hélène était inquiète. Bien qu'elle ne se le fût pas avouée à elle-même, elle l'aimait sérieusement. Or, tous les hommes qu'elle connaissait étaient là. Raphaël seul manquait. Qui pouvait le retenir si longtemps, lui qui d'habitude se présentait toujours un des premiers? Que s'était-il donc passé et que devait-elle craindre? Enfin, Raphaël arriva et sa présence rappela la sérénité sur le front de la comtesse. On le trouva bien un peu pâle. On remarqua bien une certaine souffrance sur ses traits fatigués, mais il était là, il vivait. Hélène n'en demanda pas davantage. Cette première heure fut pleine d'ivresse pour le jeune homme et pour la jeune femme. Soit que la comtesse, après avoir craint pour ses jours, n'eût pu complètement dissimuler sa joie de le revoir sain et sauf, soit que la certitude d'être profondément aimée eût tout à coup transfiguré Raphaël, une même émotion mélancolique et douce s'empara en même temps des deux jeunes gens, et leurs premiers regards furent un aveu et une promesse. Comme ils en étaient là, l'un et l'autre, oubliant les regards jaloux qui les épiaient, Raphaël sentit une main s'appuyer légèrement sur son épaule et une voix prononcer doucement son nom. Il se retourna vivement et aperçut le docteur. « Il est temps de se retirer, » dit ce dernier. « Déjà, » fit Raphaël, « votre santé, l'honneur de la comtesse, vous en font un devoir. Elle est si belle, docteur. » C'est possible, mais vous êtes très pâle vous-même. Et songez que la moindre imprudence pourrait vous perdre tous deux. C'est vrai. Le comte a des soupçons, croyez-vous. Je le crains. Vous le voulez donc. Il le faut. Je vous trouve très agité. Cette émotion vous a brisé. Dieu veuille même que nous n'ayons pas à nous reprocher de plus grands malheurs. » Ces derniers mots décidèrent Raphaël à partir. Il se sentait d'ailleurs très faible lui-même. La force qu'il avait soutenue jusqu'à ce moment était toute factice. La chaleur qui régnait dans les salons, l'éclat des bougies, le murmure des groupes, tout cela l'éblouissait et lui causait d'énervantes émotions. Il commençait à douter de ses forces et avait hâte de s'éloigner. Il se leva. Il espérait gagner rapidement les jardins solitaires et atteindre, sans être vu, à l'aide de l'obscurité, la voiture qui l'attendait au sortir du château. Mais il avait trop compté sur son énergie, car à peine eut-il fait quelques pas à travers la foule des salons, et comme il allait descendre les degrés qui conduisaient au parc, une extrême faiblesse s'empara tout à coup de lui, une pâleur mortelle se répandit sur ses traits, et il se laissa tomber évanoui, presque mourant, sur les dalles du perron. En un instant, les soins les plus empressés lui furent prodigués. Un cercle de curieux l'entoura, et près de lui accoururent des premiers, le comte Hercule, la comtesse Hélène et le docteur Urbino. Ce dernier surtout, qui comprenait mieux que tous le danger d'une pareille situation, avait tenté de faire transporter le jeune homme dans une autre pièce, loin des regards de la foule et loin de l'attention du comte. Mais ses efforts avaient échoué. Le comte pressentait une partie de la vérité. Il s'était énergiquement opposé à tout déplacement, et force avait été au docteur de s'exécuter de bonne grâce. Il l'avait fait d'ailleurs avec un complet abandon. La moindre hésitation eût pu paraître suspecte, et dans la position où il se trouvait, il valait mieux mille fois simuler l'ignorance pour détourner les soupçons. Il enleva vivement l'habit de Raphaël, déchira la fine chemise que recouvrait son épaule, et découvrit l'appareil que le mouvement de la route avait complètement déplacé. La blessure s'était rouverte, le sang se mit à couler avec abondance. « Mais il est blessé !» s'écria imprudemment la comtesse en pâlissant. « En effet, » répondit le comte avec une sorte de ricanement. « C'est singulier, » fit observer le docteur. Puis, après avoir promené son regard calme et froid sur le cercle qui s'était rapproché, « Vous ne sauriez croire, monsieur le comte, » poursuivit-il à voix lente, et comme s'il eût mesuré chacune de ses paroles, « ce qu'il y a de singulier pour moi dans cette blessure que le hasard vient de me faire découvrir. »« Qu'est-ce donc ?» demanda le comte avec intérêt. « C'est étrange en vérité, mais encore. »« Hier, » dit le docteur sans perdre le compte de l'œil, « vers minuit, un homme que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu dans le pays, est venu frapper à ma porte. » « Hein, et que voulait-il ? Il était blessé. À l'épaule, peut-être ? À l'épaule, monsieur le comte. Comme monsieur de Cerny ? Absolument. » Le comte Hercule eut un sourire amer et fixa deux regards profonds sur le docteur. « C'est étrange, en effet, » reprit-il bientôt après, mais à voix basse, et en l'attirant un peu de côté. « Seulement, je gage, docteur, que votre homme était tout simplement un bandit ? Probablement. Et qu'il n'a pas laissé entre vos mains des bijoux pareils à celui-ci ? » Et en parlant de la sorte, le comte montra furtivement au docteur un bracelet échappé de l'habit de Raphaël, et qu'il venait de ramasser à terre assez à temps pour qu'il n'eût été vu de personne. Le docteur reconnut le bracelet de la comtesse et frémit. Le comte savait tout. Raphaël et la comtesse étaient perdus.